Si tu écoutes J'annule tout sur France Inter, tout de suite on retrouve Alex Vizorek. Alex, on m'a dit que c'était la grève chez les Belges aujourd'hui. Alors, je suis content que vous soyez là quand même. Effectivement, vous n'allez pas leur jeter la pierre quand même, Maxime. Oh ben non. Y a des petits problèmes sur le Thalys, mais comme là je reste en France, j'ai pas de soucis, mais je vous remercie de vous en inquiéter. Je vous dis à demain. À demain. À demain, et écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut Alex. Alors on a des thèmes. Oh, c'est galère. Ouais, là c'est le cas de le dire aujourd'hui. Ah bah oui, on parle que des naufrages. Ah, non, ça c'est pas pour nous. Bah non, parce que le problème c'est que quand il y a des drames humains comme ça, bah, les politiques prennent même le risque d'être descendre. Ouais, mais résultat, on manque de LOL. Ah non, mais parlant de LOL, il y a un article dans Libé sur les stand-up à l'école. Quoi? Pardon? Ouais. Oui, ils veulent donner des cours de stand-up. Non, mais attends, ils veulent former des jeunes pour prendre notre place. Non mais attends, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Ils peuvent pas continuer à former des chômeurs plutôt. Exactement. Tu peux pas dire ça. Mais attends, prendre le stand-up à l'école. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait prendre les stand-uppers et les remettre à l'école. Non, mais vous exagérez. Bah, en tout cas, ça fait débat. Hein. Bah oui, non, il n'y a pas de débat. Parce que je vais te dire, hein, les jeunes, ils racontent assez de conneries comme ça. Ça ne sert à rien de leur donner des cours pour qu'ils en racontent encore plus. Il a raison, il a raison. Ok, on prend un autre sujet. Non, on prend un autre sujet. Alors là, il faut dénoncer cet acte ignoble. Exactement. Ignoble. C'est vrai, je comprends plus rien. Mais quoi? Ah non, mais en fait, ils ont juste peur qu'il y ait des jeunes plus drôles que nous. Nous, peur des jeunes. Mais tu crois quoi? Les jeunes, on les prend en panne. Alors là, viens, l'expérience qu'on a. Ils peuvent venir ici, les jeunes. Alors là, bah tenez, on a reçu des CV pour les stages de 3e. Allez-y, lisez. Voilà, alors là, on va se faire un café au lait. Café espagnol. Pourquoi? Le café au lait. Bah oh, allez, il y a des jeunes là ou quoi? Et les jeunes, franchement, ils peuvent encore se lever de ton. Non, le niveau est trop. Allez, tiens. On se casse. Tiens, Guillaume, la moitié des CV. Ouais, d'accord. Bah, bien sûr qu'on est d'accord. Allez, hop, les jeunes terminés. Hop, et on n'aime pas venir apprendre ici. Hop. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui dérape l'actualité à grands coups de frein à main. Et voici les trois informations qui vont sentir le pneu jusque 18h. Jacques Chirac est considéré par les Français comme le président le plus sympathique de la 5ème République. Il devance Mitterrand et De Gaulle. Les Français aiment Chichi, et ce, toutes générations confondues. Vous savez Jacques Martin, moi je préfère encore Chirac que Balladur. C'est dit. Sur les bons conseils de Jamel Debbouze, François Hollande et Emmanuel Valls verraient d'un bon œil de donner des cours d'impro et de stand-up dans les écoles. Attention aux ravages. Je m'appelle Kev Adams, j'ai 17 ans et il y a un truc qui m'énerve. Ah ouais, on était dans un lycée marseillais. Les hôteliers ont gagné une manche dans leur bras de fer face à l'omnipotent site de réservation booking.com. Mais rassurez-vous, tout cela c'est pour que le client en sorte gagnant. Une chambre, une suite. On est 7 avec Toby. Une suite la plus grande. 36 000 euros. Ah mais c'est pas pour acheter. Et pour piloter la voiture, il faut un copilote de qualité, sauf qu'avec lui, on tourne toujours à gauche. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, oui, rassurez-vous, je ne suis pas dépressif, contrairement aux autres copilotes. Alors à 17h20, nous retrouverons notre chaman à nous. Il écrit une chronique et puis après, il la fume pour en écrire une autre. Le très vaporeux André Manoukian. André, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Chamanoukian, donc. Je vais vous parler d'une chanteuse de blues anglaise, jeune, blonde, qui a été sacré Best Female Blues Soul Voice par le Daily Mirror, qui a gagné les British Blues Awards et qui s'appelle Jo Harman et qui viendra nous visiter la semaine prochaine à Paris à l'excellent club de jazz Le Sunset. Voilà, très bien, très bien. Merci André. C'est la fin de l'émission. Bon, à 17h40, une petite nouvelle dans notre émission, mais moi. Pas sur l'antenne. Marion Lourd, elle sera notre spécialiste en économie, une sorte de Dominique Strauss-Kahn féminin, si on en croit les hommes de ménage de la maison de la radio. Bonjour et bienvenue Marion, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour, on va parler de House of Cards en 4x4, on parlera de Renault en fait, le constructeur auto. Très bien, et vous Guillaume, on a un petit programme? Alors moi je suis allé à la rencontre des citoyens français pour parler du vote obligatoire, c'est-à-dire sanctionner des gens qui ne votent pas, mais pas seulement ceux-là. Sanctionner les chiens qui font caca sur le trottoir, bien sûr. Chacun ses préoccupations. À 17h30 donc. Si tu écoutes, j'annule tout est également en image sur franceinter.fr et sur les réseaux Twitter et Facebook, où on peut voir notamment une photo de Guillaume Meurice dormant dans le canapé du bureau cet après-midi. Ah oui, je crois que vous ne l'aviez pas au courant. Bah oui, mais toute la twittosphère est au courant. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Oui. Voilà. Vous avez tout annulé pour venir discuter avec nous. vous. C'est ça. Vous êtes né sous Lévi Eshkol en Israël. Vous-même, vous avez l'air de le découvrir, ça. On a dû bosser pour le retrouver. Vous animez une émission humoristique sur France Inter en 92, l'année où Renault lance la Twingo. En 97, vous obtenez votre premier rôle télé dans Une femme d'honneur. C'est l'année de la dernière du Club Dorothée. En 2012, vous réalisez Nos plus belles vacances avec notamment Julie Gayet. C'est l'année où Julie Gayet soutient François Hollande, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. En 2015, vous présentez sur RMC Découverte l'émission Top Gear. Vous êtes... Philippe Lelouch. Oui. Ouais. Sur France Inter, Alex Vizorek. Lévi Eshkol, j'annule tout. On est toujours à l'antenne ici. Ah oui, d'accord. C'est quoi Lévi Eshkol? Eh bien, c'est le premier ministre israélien entre Ben-Gurion et Golda Meir. Eh oui, on prend toujours le pays de naissance de notre invité. Et voilà, c'était l'Israël. Ouais. Alors, par contre, j'ai appris autre chose. Vous avez été animateur radio sur France Inter. Oui. Pas longtemps, mais je l'ai été. Pourquoi parce que j'ai été viré par Pierre Bouteiller à l'époque pour irrévérence. Irrévérence sur France Inter? Oui, sur France Inter, parce qu'on faisait une émission avec un copain qui est toujours mon pote d'ailleurs et qui s'appelait le Top Stress, qui était le hit parade de tout ce qui faisait chier tout le monde. Et je crois qu'on allait un petit peu trop loin, on était jeunes et fous. Vous pouvez raconter pourquoi vous vous êtes fait virer? Oui, on avait fait un sketch qui était une parodie de Perdu de vue qui gonflait tout le monde à l'époque quand même. Hein. Vous n'avez pas connu cette émission-là où des gens venaient pleurer leurs disparus, tout ça. Bon. Et on avait fait une parodie d'un type qui s'était fait violer au Cap d'Agde dans sa tente et qui cherchait désespérément à retrouver ses ravisseurs. Et voilà, et j'imitais copieusement Pradel à l'antenne et je crois que ça n'avait pas plu à l'époque à la direction de France Inter. Voilà. Vous savez quoi, je vous invite cordialement à revenir faire ce sketch chez ici. Mais j'adorerais quand faire ça. Vous voulez. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point la radio parodique me manque. Faire des sketchs à la radio, c'est un kiff. Mais absolue, je vous envie. Et vous, on va vous réinviter. Mais alors là, bon là, vous êtes fort occupé parce que c'est Top Gear, c'est le carton télévisuel. Alors oui. Il faut expliquer aux gens, c'était l'émission de télé la plus regardée au monde de la BBC. Ouais, et 350 millions de téléspectateurs, ce qui fait beaucoup, quoi. Ça fait pas lire The Voice. Vous vous êtes dit, on va faire ça en France aussi. Bah, pas moi, mais en tout cas, la BBC a eu l'idée de faire ça en France, et à ma grande surprise, ils m'ont appelé, pour animer cette émission avec mes deux camarades, Brougeoigny et Le Taune. C'est la BBC la filiale française qui adapte l'émission avec un cahier des charges extrêmement précis. Hein, faut que ça ressemble à ce qui marche, un peu comme La Roue de la Fortune ou Qui veut gagner des millions, si vous voulez, version voiture. Et donc c'est ce qu'on a, on s'est employé de faire. C'est assez simple à résumer. Hein, c'est trois types qui ont 12 ans d'âge mental et qui essayent trois voitures les plus belles voitures du monde. Donc forcément c'est drôle. Hein. Et c'est drôle parce que vous essayez ça de manière très très originale. Vous avez des défis originaux en soi, ce qui permet aux gens qui n'aiment pas spécialement la bagnole de se marrer et de regarder cette émission. Oui, absolument. C'est-à-dire que même les filles, hein, pour qui normalement la passion les filles de la peuvent voiture... aimer la voiture, hein, je m'interpose. Oui, mais vous n'êtes pas une vraie fille. Et, je plaisante. C'est votre côté strong. Demandez aux hommes de ménage de la maison d'arrêt. Oui, mais ça se voit, vous n'avez pas besoin de demander. Non, mais c'est vrai que globalement, vous êtes d'accord pour dire que les filles ne sont pas forcément portées sur la voiture. Et bah, là, je crois que tout le monde peut y trouver son compte, même les enfants et tout ça, quoi. Et vous avez reçu des gens de domaines aussi variés, et notamment, parce qu'on en a parlé ici, vu qu'on parle beaucoup de politique, vous avez reçu François Fillon, oui, qui était cool. Ah mais qui était super cool et qui m'a même dit sa première phrase. Ça c'est une phrase, info en soi déjà. Oui, enfin cool, c'était pas Doc Gynéco, non, voilà, on s'entend bien. Hein, c'était, le mec s'est pas affalé dans le fauteuil, voilà. Mais quand il est arrivé, il a dit je suis super content d'être là parce que je rêvais depuis très longtemps d'occuper ce fauteuil. Donc comme quoi on pensait pas tous au même fauteuil et lui pensait à celui-là. Il était fan de l'émission, il est arrivé avec sa tenue, son casque pour péter un chrono. Il est manceau en plus. Il est doué, très sympathique. Fait deuxième derrière mon compatriote Stéphane De Groot, grand pilote. Alors, avant de battre Stéphane qui a fait ce score-là sous la pluie, ça va faire du bruit. Aussi bon en bagnole qu'en jeu de mots. Ouais, et ce soir c'est la dernière avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc sur RMC Découverte. Je pense que c'est la meilleure émission. Moi. C'est ouais. Ouais. Bon. C'est la. Vous êtes un bon vendeur. Le mec qui s'est buzzé, on a un cliffhanger super ce soir-là. On va regarder ce soir, et si on a envie de vous voir au théâtre, vous avez écrit et vous jouez L'Appel de Londres au Gaîté Montparnasse jusque la fin de l'année, et vous êtes en tournée. Oui, on est en tournée en même temps qu'on joue à Paris, ce qui est assez rare, mais on a réussi. et à minuit, on est chez Michou, pour ceux qui vraiment veulent. C'est très bien. Mais eh bien jamais. Écoutez, si vous voulez voir Christian Vadim, David Brécourt, Philippe Lelouch et Vanessa Dubouy chez Michou, à mon avis, elles ne seront pas rentrées. Mais non. Bon, bah voilà, on ira vous voir quand même. Avec grand plaisir. Je ne vous dis pas si ce sera en province, en tournée ou chez Michou. Descendez la vitre de votre voiture, mettez votre bras dehors et la gourmette. Vous êtes dans Top Gear et on écoute un peu de musique. We'll be right back. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Nous y sommes, Guillaume Meurice. Mais oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'on débat, on débat. On débat, on écoutait la nuit dernière, un DJ a sauvé ma vie. Last night, the DJ saved my life. Que vous pouviez rapper à l'époque. Absolument. Louche. Alors est-ce que... Knock in face. Ouais, je sais le faire. Vous ne m'aurez pas sur des trucs comme ça. Vous êtes je suis un enfant des années 80, moi, monsieur. Philippe Lelouch, qui est notre invité. Ouais. L'enfant des années 80 qui, ce soir, est sur RMC Découverte avec Top Gear pour la meilleure émission. Et il s'avère que c'est la dernière. Du paf. Oui, en tout cas, avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Et aussi la meilleure pièce du moment à Paris. Absolument. Avec L'Appel de Londres au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. À un moment, ça sert à rien de... Voilà, la promo, on tourne pas autour du pot. Oui, vous êtes le meilleur, c'est parce que ça je vous trouve sympa. Invité. Ouais. Évidemment, autour de la table. Autour de la table, formidable André Manoukian et la fantasque Marion Lou. Parce que j'aime bien le mot fantasque. Vous êtes mon adjectif. Et vous, je vous garde le frénétique Guillaume Meurice pour la revue de presse à deux voix. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Et on commence par Marine Le Pen qui s'est rendue hier soir à la soirée annuelle du magazine américain Time. Magazine qui l'avait consacré parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Mais voilà, elle n'a pas voulu parler anglais car elle a dit « Je suis française ». Attendez Alex, dites-moi, oui. Marine Le Pen, oui. C'est bien celle qui s'offusque quand les étrangers qui viennent en France ne parlent pas français, c'est ça? C'est elle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. En tout cas, les Américains ont bien de la chance. Et ben pourquoi? Ben, comme elle parle pas anglais, elle a bien dû fermer sa gueule. Oui, enfin, ils ont du bol. Voilà, parlant de bol, on poursuit avec cet attentat déjoué sans le faire exprès. exprès à Paris. Bravo la police, chapeau, chapeau les gars, on les salue. Un homme avait prévu de s'en prendre à deux églises. Ouais, donc c'était pas très méchant non plus. Ah bah quand même, Alex, ne faites pas d'anti-christianisme primaire. Non, c'est pas ça, je veux dire, il aurait pu prévoir de tuer des gens. Je veux dire, des églises, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, oui. C'est comme s'il avait prévu un attentat à un meeting du MoDem. C'est pareil, d'accord. On poursuit avec des nouvelles de Jeannette Bougrabe. Oui, elle a été nommée chef du service d'action culturelle à l'ambassade de France d'Helsinki, ouais, figurez-vous. Bah, écoutez, on pense à elle, ça lui fait beaucoup de bien, hein, après la perte de Richard Anthony. Ouais, c'est une période difficile. Ouais, on lui souhaite beaucoup de bonheur en Finlande avec le Père Noël, hein. Lui au moins, il ne la quittera pas. Vous allez avoir des problèmes, les on mecs. On poursuit avec... Je vous le dis, hein. Si Pierre Bouteillet vous écoute, vous allez tourner à la... On essaye de se faire virer plus vite que vous. Avec un article du Figaro qui a fait une étude très précise sur les blagues de bureau. Ah, pourtant le Figaro, c'est pas le journal le plus déconnant. Ah bah si, quand même, hein. Il pense que le MEDEF va créer des emplois, donc c'est quand même... C'est vrai que c'est drôle. C'est rigolo. Alors bon, quelles sont les blagues qui marchent le mieux au bureau? Alors ce sont les jeux de mots qui occupent le top du podium, 41%. Ils sont suivis par l'humour noir, 27%. Et les blagues que le Figaro appelle de manière un petit peu osée, les blagues coquines, waouh, 20%. Donc concrètement, si vous voulez réussir un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut dire au directeur? Eh bien, vous arrivez dans le bureau et vous lui posez une devinette. Qu'est-ce que boit un pédophile avec ses amis? Un petit blanc cul sec. Et voilà, comme ça on a les trois. Très bien, vous êtes embauché. C'est bien, voilà. C'est bien. Moi, je vais plus dire un mot, je vais avoir des emmerdes terribles. Vous avez chaque déjà fois que je viens sur France Inter, je suis viré. Donc vous avez déjà été viré, c'est pas grave. On attaque le premier sujet avec vous, Philippe Lelouch. À la question, selon vous, quel est le président français le plus sympathique de la 5e République? Le français répond à 33%, Jacques Chirac. Aujourd'hui, Jaco est swag et les Français ont oublié ses casseroles. Comme lui, d'ailleurs. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Dans notre pays, le pouvoir de changer de vie. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, avec mais non. Sur, qu'est-ce que c'est? Des mecs qui se sont fait chier à l'enregistrer ça en studio. Nous sommes en 1981. Merci à Claire-Sophie Collet, Nathalie Roberto de nous avoir retrouvé ça. C'est la chanson de campagne. Alors, il n'a pas été élu. Est-ce la chanson? Est-ce à l'époque le charisme? Je ne sais pas. Chanson écrite, on va le dénoncer, hein, par Pascal Stève. Mais voilà, les Français ont oublié tout ça, ont oublié la mauvaise musique, André. Pour se concentrer sur la personne de Jacques Chirac, c'est donc lui, le président le plus sympathique, Philippe Lelouch. Qui auriez-vous choisi? Si on parle de sympathie, il est incontestablement sympathique, Jacques Chirac. Ça, c'est très difficile de trouver le contraire. Il a tout fait pour. Mais, mais donc, dans fait, sympathique, il y a Bernard Tapie est sympathique, Jean-Marie aussi Le Pen est sympathique. Non, Jean-Marie Le Pen, c'est compliqué de le trouver sympathique quand même. Maurice Papon était hyper déconnant. Là, si on commence à parler de la sympathie, là, on en a fait beaucoup sur Papon. Il y avait du bon chez ce mec-là. Oui, il est éminemment sympathique. Moi, j'ai beaucoup d'affection et de sympathie pour Jacques Chirac. Juste, il faut quand même dire les choses, il n'a rien branlé pendant 14 ans. C'est ça qui doit le rendre extrêmement sympathique et je crois que les Français l'ont un peu oublié quoi. C'est le président qui n'a rien fait. Il a fait quelques conneries quand même. La dissolution, il l'a fait. Oui, quand non, même. Ça fait. Oui, la guerre en Irak, de refuser d'y aller. Je suis pas sûr que ce soit pour des raisons profondément humanitaires comme ça a été dit à l'époque. Je pense que surtout on n'était pas prêt du tout à faire la guerre. On n'avait plus d'armée et tout ça. Faut le rappeler. Mais toujours est-il que c'était une bonne décision et on a été fiers d'être Français à ce moment-là. Je crois pas que le personnage est éminemment sympathique, mais je crois pas que c'était un grand président. Voilà, pardon de pour ces. C'est dur parce que s'il nous écoute, bon, heureusement dans un quart d'heure a priori, il aura oublié. Mais c'est déjà fait. 35% des personnes interrogées disent voilà comme vous que c'est ne pas avoir été en Irak, donc il a rien foutu. C'était déjà ça qui le rend sympathique. 14% des Français disent que c'est parce qu'il n'a pas fait d'alliance avec le FN. Et puis il reste encore son amitié avec le monde paysan, et ça c'est vrai qu'il avait quelque chose de c'est beau mais c'est loin, mais il y allait quand même. Et seulement 7% se souviennent de la dissolution, c'est-à-dire qu'on oublie vite en France quand même. Ah bah ça, c'est là-dessus que jouent les politiques à mon avis. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on oublie très très vite leur casserole. Moi on dit dans la pièce, dans l'Appel de Londres, il y a un truc qui me fait rire, c'est que politique c'est le seul métier où la médiocrité paye sur la longueur. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tout le monde a sa chance en politique. Le mec est là depuis 20 ans, il attend qu'on lui confie des responsabilités, on oublie toutes les conneries qu'il a fait, et à un moment faut bien en prendre un nouveau, on prend celui-là, tiens. Est-ce qu'on salue Alain Juppé de votre part? Mais on peut saluer Alain Juppé de ma part. Donc j'aimerais que vous venez de citer du Philippe Lelouch. Oui, parce que je m'auto-cite. Non, mais c'est bien, c'est important. Non, mais il y en a qui citent des auteurs. Lui, qui me citera un jour, vous verrez. Et André Manoukian cite des gens sans savoir qui il cite et donc rajoute un nom propre à l'arrière. Au hasard, totalement. Technique dite à la Manoukian. Mais heureusement, Guillaume Meurice est vigilant. Parmi les premiers ministres préférés, donc parler, sous. Alors, je vous donne par contre le. Derrière Chirac à 21%, c'est François Hollande qui est le deuxième plus sympathique. J'ai été un petit peu surpris. Pardon, qu'est-ce que je dis François Hollande ? François Mitterrand. Ah oui, pardon. Vous êtes en train de manipuler les chiffres. Non, c'est le dernier. C'est le dernier, 5%. C'est le côté François qui m'a perdu. 21% François Mitterrand. Il n'a pas l'air si sympathique. C'est pas le premier adjectif qui me sortirait de la bouche. Moi non plus. D'accord. Et puis Charles de Gaulle, 17%. Ah, là par contre, ça fait plus mon c'est admiration. Bah, oui, mais parce admiration là, n'est pas sympathie. Ouais, mais enfin, quand on regarde les conférences de presse de Gaulle aujourd'hui, on se dit waouh. Là, le mec, c'est un animal politique, un courageux. Donc forcément, moi, le courageux, mais sympathique. S'il fallait dîner avec un des. Quitte à les ressusciter, plutôt De Gaulle, plutôt Mitterrand, plutôt Chirac. De Gaulle, évidemment. Je pense que c'est une réponse tout à fait appréciable et ça va plaire à gauche comme à droite, on est tranquille. Ouais. Côté Premier ministre, c'est Jospin qui paraît le plus sympathique des premiers ministres de Chirac. Allez savoir, les Français ont donc décidément la mémoire courte. C'est complètement dingue. Oui, tout ça, parce que j'ai piqué ça, c'est pas que j'ai piqué, c'est sorti aujourd'hui, mais c'est demain dans Paris Match, le sondage complet avec tous les chiffres. Il faut citer nos confrères. André Manoukian, comme le disait Roland Camus, ce n'est pas les oiseaux qui font les volcans. Et votre chronique. Il me semble que Camus a repris cette phrase de Blaise Pascal que nous citions hier. Oui, oui. Il y a dans le cœur de l'homme. Il a dit à sa mère tu sais ce qu'il a dit Camus. Et puis il a répété la phrase. Mais ça, en fait, ça fait pas de lui l'auteur de la phrase. Laissez parler le génie musical, s'il vous plaît. Voilà, vous me levez en tout cas. J'aime en apprendre tous les jours. Allez, j'ai souvent parlé de la chance qu'ont les musiciens de vivre dans notre époque formidable. Oui, notre époque. Est formidable pour la musique. Pourquoi ? Parce qu'on peut choisir sa source, sa prise de courant pour se brancher. On peut choisir son plug cosmique, son déclencheur d'inspiration. Le grand fleuve rock qui charriait des groupes et des groupes n'est plus. Aujourd'hui, c'est une myriade de petites rivières. On est dans une sorte de delta musical infini. Deleuze parle de rhizomes, de racines enchevêtrées qui se séparent, s'étendent et pourtant communiquent toujours entre elles. C'est Annie Cordy, a priori, qui dit ça. Philippe Louche, mais regarde quand c'est Deleuze, normalement, ça c'est bon. Il maîtrise de ça. On peut parler aussi d'éclatement en termes positifs. Je m'éclate, j'ai plusieurs personnalités, je suis pluriel. Le phénomène date des années 70. Il est formidablement décrit par Michel Maffesoli dans un livre que je vous conseille, monsieur Lelouch, Le temps des tribus. Entre autres, il est dit dans nos sociétés postmodernes qu'on peut choisir sa tribu alors qu'autrefois elle était imposée par nos parents. C'est vrai. Autrefois, c'était il y a 30, 40 ans. Ça se passe souvent à l'adolescence. L'ado choisit sa tribu d'après des codes qui ne sont pas loin des codes d'initiation des sociétés premières, la musique et les ornements vestimentaires. Les initiations antiques avaient pour but de présenter à l'enfant les dieux de sa tribu, de lui apprendre les techniques de chasse, alors il pouvait rentrer dans la société des adultes. Aujourd'hui, c'est par la musique qu'on choisit son appartenance à une bande ou à une autre. La musique que je choisis va me qualifier. Je peux être émo, goth, électro, traveler, hardcore, hip-hop. Vous êtes quoi, vous, Philippe ? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les courants musicaux sont bien moins nombreux que dans les années 80, justement. Où là, il y avait les loups qui allaient avec, etc. Mais peut-être me trompe-je. Vous trompez-je grave. Voilà. Choisir sa musique va nous donner une colonne vertébrale, une attitude. En un mot, je m'émancipe du modèle de mes aïeux pour choisir ma voix. Je fais comme Corto Maltese. Je suis pas content de ma ligne de vie, alors je prends un couteau et je l'agrandis dans ma main. Le style n'est plus imposé par les parents. S'il est plus facile aujourd'hui de s'émanciper, est-ce que pour autant on a vraiment le choix ? Eh bien, en fait, pas vraiment. Prenons Jo Harman. Elle est blonde, elle est anglaise, elle a une voix plutôt grave. Normalement, elle doit faire de la pop, matinée de soul, bien sûr. On va dire que c'est la spécialité du pays. La dernière réussite, c'est Adele. Avant elle, il y a eu Amy Winehouse. Et avant, encore, il y a longtemps, Annie Lennox. Tout ça est très populaire. Et en plus, ça n'est pas dégueu, comme dirait le grand Serge, qui s'appelait Lucien, en vrai. Mais non, contre toute attente et surtout loin des goûts british, voilà que la môme Jo Harman nous dit, moi, c'est du blues que je veux faire. Mais alors pas un blues produit à l'ancienne et qui aurait un charme vintage avec des scratchs de vieux vinyles rayés qu'on rajouterait pour donner de l'âme, avec une vieille rythmique reboostée par des infrabasses qui vous font vibrer le stérilet, avec un piano savamment désaccordé pour faire genre « je sors d'un speakeasy de Storyville, le quartier des bordels de la Nouvelle-Orléans ». Non, ce qui est incroyable, c'est que Jo Harman s'assied simplement à son piano et laisse aller libre cours aux mélodies qui l'envahissent. Si du blues, elle garde la structure posture et le tempo lent. Elle l'enjolive sans le dénaturer. Elle le pousse très loin dans sa féminité, c'est-à-dire vers son côté mélodique. La mélodie, c'est féminin. Le rythme, c'est masculin. C'est peut-être un archétype, mais bon. Enfant, elle apprend la musique classique. Toi, elle t'as envie de la pécho. Les chanteuses, mais toutes. Ah ouais, c'est ça. Elle apprend le basson. Faut choisir cet instrument. Le basson, c'est quoi dans Pierre et le loup? C'est quoi? C'est un petit chien. C'est on peut souffler dedans. C'est le loup? Non, c'est le grand-père. C'est le grand-père. Pourquoi le blues? Enfant, Joe Harmon a un amour dans sa vie, c'est son père, qui l'initie à la musique, à la littérature. Elle est à peine dans sa vingtaine quand il meurt d'un cancer. Pourquoi le blues? Parce que c'est la forme idéale pour transformer les expériences d'une vie en chanson, heureuse ou malheureuse. Parce que cette formule magique qui vient de loin transforme et magnifie la tristesse et la rend curative. Joe Harmon. Quel papier. To beg you to stay, I am alone, alone and so tired. Too many times I have raced to a lie. 'Cause I'm treading on broken glass, made my mind up, and I'm trying. You got one man and a cold heart. I don't want no end in vain. I don't want to stay the same. Joe Harmon, mercredi 29 avril, elle sera au Sunset 60 rue des Lombards à Paris. Rue des Lombards, c'est une rue magique, allez-y. Si vous êtes parisien, si vous êtes provinciaux, en vacances ici, voilà, il y a trois clubs de jazz qui sont formidables les uns à côté des autres. Et elle, vous la verrez en vrai, mais je pense que vous vous en remettrez pas. Voilà. Elle est jolie à ce point-là? C'est pas qu'elle est jolie, c'est que tu prends une chanteuse qui ressemble à rien et qui chante bien, et ben elle t'embarque. Ah, c'est une affaire de cordes vocales. Ouais, il a vu Mika de dos et il y a été. Hein. On a dû l'arrêter. Vous êtes à la bonne adresse avec notre invité Philippe Lelouch. Des vannes homophobes, c'est bien. Oui, raciste, de l'antisémitisme, allez-y, pendant 1h07, autorisé sur France Inter. Notre invité, content d'être là et ça nous fait bien plaisir, Philippe Lelouch, qui se partage entre RMC Découverte pour Top Gear, la dernière ce soir, et la saison 2 est déjà annoncée. Oui. Vous avez balancé l'info, c'est trop tard, c'est fait. Vous êtes obligé de la faire maintenant. Et un politicien prévu pour la saison 2? Il y en a un autre qui fait. J'espère. J'adore, moi, recevoir des types qui viennent me... En fait, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de promo dans Top Gear. Personne vient vendre son bouquin, son truc. Ils viennent pour essayer, pour faire un tour de circuit. Fillon, c'est un peu de la com quand même. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le premier qui a dit oui. Et au moment où c'était donc il y a quelques mois, et au moment où il a dit oui, une semaine après, peu ou prou, il avait des problèmes, il était dans une tourmente, et à aucun moment il s'est décommandé. Il avait vraiment envie de faire le truc, et on n'a pas du tout parlé de politique pour le coup, et heureusement, parce que ça les change un petit peu. Alors, ouais. Deuxième sujet, nous allons un peu de près ou de loin parler de politique, puisque le stand-up va faire son entrée à l'école de la République avec l'improvisation. Alors moi, je pensais que les élèves aux oraux improvisaient déjà énormément. Oui. Ah bah oui, évidemment, on me souffle dans l'oreille, mais c'est le tour de Guillaume Meurice. Bah c'est pour ça, je me disais, tiens... Et oui. Vous savez quoi le sujet du stand-up? Je me le remballe et je vais le ressortir tout à l'heure. Bonjour Guillaume Meurice. Mais comment ça va Alex? Vous m'aviez pas oublié, n'est-ce pas? Les gens oubliaient, C'est toi Chirac qui a oublié. Voilà. Je vais arrêter de me moquer de Chirac, parce que je suis pas meilleur que lui. Guillaume, vous avez fait un reportage? Mais tout à fait, tout à fait. Je vais vous parler du droit de vote, si ça vous intéresse. Ou plutôt du devoir de vote. Un rapport de Claude Barthelone propose de le rendre obligatoire obligatoire. Car oui, je le rappelle, des gens se sont battus, certains sont morts, pour qu'aujourd'hui vous ayez la liberté de voter Jacques Cheminade. Et ça, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais voilà, à chaque élection, l'abstention bat des records à mesure que l'électeur s'en bat les testicules. Petite métaphore phallocrate pour introduire ma première rencontre avec une citoyenne favorable à la loi parce que... Parce que les femmes, déjà, ont eu un droit de vote en 45, il faut qu'elles... au moins les femmes... et puis bon, je trouve que c'est normal. Un droit de vote obligatoire que pour les femmes ? Oui, Oui, alors je ne suis pas certain que tout le monde appréciera cette distinction. Par exemple, Éric Zemmour serait bien embêté car l'idée d'obliger les femmes à faire quelque chose, bon ben ça lui va, mais celle de les faire sortir de leur cuisine pour donner leur avis, ça un tout petit peu moins, donc c'est compliqué. Voyons donc avec un citoyen désormais qui lui aussi était favorable à la réforme, enfin... Obligatoire, pourquoi pas ? Sous peine de sanction, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je vote, donc j'ai pas de problème. Et vous seriez prêt à sanctionner ceux qui votent pas ? Ah non, moi, je sanctionne personne. Bon, alors, vous êtes pour ou vous êtes contre, au final ? Moi, je suis pour voter. Et les autres ? Ceux qui votent pas, comment on fait ? Je pense qu'ils veulent. Donc, vous êtes contre le vote obligatoire, parce que le vote obligatoire, c'est ça. Si on veut. Bah non, attendez, c'est pas moi qui veux. C'est compliqué. C'est lui, enfin, il est pas sûr. Disons qu'il est pour obliger les gens à voter, mais sans prévoir de sanctions. Du coup, heureusement qu'il n'est pas juge d'instruction, parce que c'est le genre de gars à dire, bon, vous avez violé quatre grands-mères après les avoir décapitées avec une pelle à tarte. Alors, bon, je vous condamne pas, hein, bien sûr, mais franchement, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool ce que vous faites. Le juge rêvé pour tous les amateurs de grand-mères et de pâtisseries. Voyons à présent, avec un autre citoyen, quelles sanctions seraient envisageables. On va dire, c'est comme le permis à points, on va dire. Ah, mais le permis à points, il y a un risque de se faire supprimer son permis. Tout à fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Supprimer la carte d'électeur ? Ah ben non, du coup, puisqu'on veut les faire voter. Oui, mais c'est pour ceux qui veulent pas. Ah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Je sais pas. C'est complexe, hein ? C'est complexe. Supprimer la carte d'électeur à ceux qui ne votent pas, ça paraît stupide. Quoique, c'est une logique qui existe déjà, hein. Par exemple, à l'école, où on dit souvent aux élèves, je te préviens, si tu ne viens pas en cours, tu seras viré. Ce qui change rien, hein, au final. Hein, ça équivaut à punir un sadomaso avec des coups de fouet. C'est pas hyper efficace. Alors, il y a des citoyens qui ont un avis plus tranché. C'est une atteinte à la démocratie, c'est une atteinte au peuple qui déjà est surtaxé. Mais normalement, une atteinte à la démocratie, c'est quand on interdit aux gens de voter. Là, c'est l'inverse. Non, c'est une atteinte à la démocratie dans lequel on impose, donc on n'est plus en démocratie puisqu'on t'impose, donc ça révèle du communisme pour moi. Décidément, pauvre communiste, c'est leur semaine, hein. Oh, la culture politique française. À chaque fois ça retombe sur les communistes. On pensait qu'ils avaient complètement disparu de la circulation, depuis dimanche tout est de leur faute. Le programme du FN, c'est de leur faute. La défaite de la gauche, c'est de leur faute. L'herpès de ma cousine, c'est de leur faute. Bon, ça c'est vrai par contre, parce qu'elle sort avec Robert Hue, mais bon, on s'éloigne du sujet. Oui, c'est vrai, je salue ma cousine. Le vote obligatoire, donc. Alors, ce même citoyen a tenté de clarifier son point de vue en filant une métaphore quelque peu étrange. Supposons que je vais punir mon chien alors qu'il fait caca dans le caniveau, et que si toutefois il faisait caca sur le trottoir, je vais me punir moi-même. Donc, attendez, je comprends pas la comparaison du coup. Sanctionner les chiens qui font caca sur le trottoir, bien sûr. Sanctionner la personne, pas le chien. Hein. Ah bah, il faut sanctionner les deux. Mais non, le pauvre, le chien, c'est quelqu'un d'obéissant comme le peuple, en fait. Alors là, j'irai y abiger du tout. Attends, tu l'as cherché longtemps, non, là, ce client là. Oh, le client que t'as trouvé. Ah, t'as vu le mec, il en fait une émission. Oh putain, j'en ai un. Parce que je la connais, la galère des micro-trottoirs. Il ouais. y en a un autre qui arrive après. Seuls les gens qui font de la radio savent le marronnier du micro-trottoir. Et les heures passées les heures. À arpenter. Donc quand il y en a un comme ça, putain, je fais une émission avec lui, allez hop. Je vais faire un câlin après, je vais pas vous le cacher. Bon, toujours est-il que j'ai rien pigé, donc s'il y a des auditeurs qui préparent une thèse sur le droit de vote ou le caca de chien, ben, je leur laisse le soin de décrypter cette analyse, moi je m'en sens pas les compétences. Il y a bien un lien entre le caca et les gens qui votent, mais bon, je vais pas en parler. Car les électeurs du Front National sont des gens très susceptibles. Du courrier. J'ai toutefois discuté avec un autre citoyen qui, lui, ne votait pas, car selon lui, aucun politique ne valait le coup. Mais il ne serait pas contre voter pour un candidat. Avec quoi ? Avec du charismatisme, avec de la personnalité, et puis... Qu'est-ce que vous appelez du charismatisme ? Le charismatisme, style les présidents américains, que ça soit Obama, que ça soit Reagan, que ça soit Clinton, que ça soit même Bush. Bush, il avait du charismatisme ? Oui. Ouais, mais voilà, ben ouais. Ces gens-là votent, hein, je vous rappelle. C'est et vous voulez. Même, hein. Non, attendez. Le projet de loi, c'est d'obliger ces gens-là à voter. Ouais. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte d'où on parle ? Il a du charismatisme. Allez, je vais voter pour lui. Vous vous moquez, mais c'est important, le charismatisme. Ouais, surtout dans une démocratie représentatismatique. C'est important. Alors, on va continuer avec le même. Tant qu'à faire, tu penses. T'es payé pour ça en plus. Alors, lui, il vote pas, mais est-ce qu'il irait voter s'il était sous la menace d'une amende ? Payer, ça dépend ce qu'ils me font payer. Si c'est 10 euros, je préfère payer 10 euros. À partir de quel montant vous allez voter ? Je sais pas, j'ai aucune idée. 50 euros. À 50 euros, j'irai peut-être voter, oui, quand même. Bon, alors 35. Oui, non, mais j'irai peut-être voter, oui. 20 euros. Oui, allez, j'irai voter. 15 euros. Mais non, mais arrêtez, c'est pas enregistré votre truc. Si. Quand même, on n'arrêterait pas des conneries comme ça, quand même. Mais voilà, mais c'est bien, si, tu vois, même lui, il finit par s'en rendre compte. Et en plus, avec vos impôts, d'où l'importance d'aller voter pour que vous puissiez donner votre avis sur la façon de les utiliser. Parce qu'à force de ne pas vouloir s'exprimer, on prend le risque de ne pas être entendu. C'est quoi, Guillaume ? Je suis très content de ne pas avoir sauté votre chronique parce que c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Vous êtes à Grenoble ce week-end en spectacle, tout me semble-t-il. Tout à fait. Très où bien. Ça, où ça ? À la basse-cour, théâtre de la basse-cour. Eh ben voilà, faut le dire. Et il a beaucoup de charismatisme. Si les gens veulent un artiste charismatique, il faut y aller là. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais il y a un deuxième sujet. Je voudrais pas le déflorer, mais quand même c'est le stand-up à l'école. Non. Si. Je m'attendais pas du tout à ça. Et ouais. Alors est-ce que mettre des comiques dans les lycées, c'est si malin que ça ? La dernière fois, en allant accompagner ma petite sœur au collège, je me suis aperçu que l'Éducation nationale, pour renforcer les profs, ils ont décidé d'envoyer des keufs dans les collèges. Des keufs dans des collèges. Mais ils vont galérer les keufs en maths. C'est sûr. Non mais sérieux. S'il vous plaît, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Vous pouvez m'expliquer le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore. Ben le plus simple, d'ici tu prends tout droit. Jamel Debbouze, alors le thème s'y prêtait de son sketch, mais aussi c'est pas un hasard si on a choisi sa voix. C'est lui qui estime, parce que Hollande a déjà été plusieurs fois à Trappes voir des matchs d'improvisation avec lui, et qui pense que ça pourrait être bien que les écoliers improvisent. Et alors par déformation dans les articles, on parle de stand-up. Je rappelle tout de même que le métier de stand-upper n'est pas celui d'improvisateur. Mais est-ce que ces deux disciplines vous semblent être intéressantes à donner en classe ? Ah ben non, pas du tout. Hein. non, je pense qu'ils vont... Bah parce qu'ils vont le niquer comme le théâtre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à l'Éducation nationale de pourrir les mômes dont on a tous fait partie, pensant que le théâtre c'est chiant. Et donc il y a plein d'enfants qui, parce qu'on était obligés d'aller voir du théâtre à l'école, ne vont plus au théâtre. Mais justement, là c'est l'inverse qu'ils veulent faire. Ils veulent faire pratiquer les enfants. Oui, bah, même quand tu as déjà pratiqué le théâtre à l'école. Non, mais l'improvisation c'est quand même pas tout à fait la même chose. L'improvisation, l'élève peut laisser libre cours à son. Je crois, oui, comme les arts plastiques, c'est pareil. Qu'on a tous fait du dessin à l'école ou de la musique. Ils vont te faire de la flûte. Voilà, moi je pense que la flûte, c'est quand même l'instrument le plus bandant du monde. C'est-à-dire que ça donne envie de faire de la musique aux enfants. Moi, j'adorais avoir eu un prof comme Manoukian ou comme le type formidable qui fait les émissions là, sur France 2 l'été. Zigel, Jean-François. Voilà, Zigel, voilà, ça, c'est des mecs. Le problème, c'est qu'ils vont tout niquer. Qui va aller donner des cours d'improvisation ? Mais c'est ça, c'est plutôt le professeur que la matière. Parce qu'il y a quand même, normalement, l'école, c'est pour donner envie. Chateaubriand, il avait une très bonne formule. Il dit quand on sait faire, on fait. Quand on sait pas faire, on enseigne. Voilà. C'est à vérifier parce que depuis Manoukian, voilà. Moi, j'ai peur de citations. Et vérifier ça. Chinois aussi qui dit oui. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de dégoûter les mots. Et puis encore une fois, on parle d'un talent. L'improvisation est un talent. Tous les mômes ne l'auront pas. C'est-à-dire que ça va être aussi un peu. Ça va certes. S'il y avait que les acteurs de talent qui jouaient, ça se saurait quand même. Ouais. Bah, on va rappeler la pièce quand même. Ils jouent à Grenoble. Hein, voilà. Y allez pas. La basse-cour à Grenoble. Non, mais l'idée, c'est pas de faire des enfants des comédiens, des futurs comédiens. L'idée, c'est de les aider à se développer, c'est du développement personnel, de l'assurance, des choses comme ça. Je suis pas sûr que l'improvisation soit... Même des comédiens expérimentés ne savent pas improviser. C'est vraiment un art, c'est un don. D'où le stand-up, là, parce que là, il faut écrire. Et ce que je trouve intéressant, parce que dans le stand-up, comme il est considéré type Jamel Comedy Club, on se moque chacun un petit peu de ce qu'on est et de ce que sont les autres. Et peut-être qu'il y aurait cette ouverture de dire « Ouais, je me moque du portugais, je me moque du roumain. » Ce qui est génial, c'est que c'est une matière pour les cancres. C'est-à-dire que les mecs comme nous, ils auraient adoré ça. Mais là, on n'est pas en train de penser aux cancres, on est en train de penser à l'élève moyen qui a envie de... Moi, je trouve, par exemple... Politique d'éducation de droite, là-dessus. Non, pas du tout, mais j'ai vous me faites défendre Manuel Valls, alors ça me fait quand même un petit peu mal. Je vous jure que moi, j'ai un petit garçon qui est en sixième, quand je lis ses cours d'histoire... C'est affligeant comme on apprend l'histoire aux mômes, par exemple. Donc ça passe par là plus. Racontez-leur l'histoire géo comme on a envie que ce soit raconté, par exemple, plutôt que de leur faire apprendre les hiéroglyphes. Enfin, mon fils, moi, la dernière fois, je regardais son bouquin d'histoire et je vois que sur l'Égypte, ils apprennent les hiéroglyphes. Calife. Oh bah c'est super ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre. Mais quoi? Non mais c'est parce qu'il avait gribouillé dans la main. Chez moi et tout. Mais oui, mais non, mais c'est une passion qui doit venir après. Il y a des dessins et tout. Je crois qu'il y a mieux à dire sur les Égyptiens que de leur apprendre les hiéroglyphes. Bah, je sais pas. Les constructions des pyramides, leurs croyances. L'achat de rafales aussi. Là, pardon. Le fait qu'ils aient acheté des rafales. Attends de le dire. Non, mais voyez ce que il y a tellement de choses à mieux expliquer aux enfants. Moi, j'ai l'impression là que c'est comme un espèce de pseudo sauvetage pour les cancres, comme s'ils avaient tous le talent énorme de Jamel Debbouze ou de celui qui va jouer à la basse-cour à Grenoble et qui est en face de moi. C'est ça que je veux dire. C'est pas, je crois pas que ce soit une matière essentielle à apprendre aux enfants. Je pense que ça devrait être une option. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut obligatoirement du talent? Je vous arrête. Ah oui, on a pas le temps. Arrêter, je sais. Et pourquoi je vous arrête? Parce que c'est Marion Lowe. Ce que je viens de dire est tellement intelligent qu'il n'y a plus rien à conclure. Et surtout, parce que quand on explique bien les choses, on a peut-être envie de les aimer. Et Marion Lowe est là pour faire ça avec l'économie qui reste de temps en temps un petit peu voilà, rébarbatif pour les gens comme nous, un peu voyez, bas du plafond, il faut être honnête. Et oui, et merci beaucoup donc Guillaume, merci Alex. C'est vraiment pratique de m'inviter parce que l'émission que je présente, on n'arrête pas l'écho, c'est au même étage. On va raconter un peu aux auditeurs que si tu écoutes, j'annule tout. Avant, on pouvait discuter économie à la machine à café, sauf que de plus en plus, dès que je viens chercher mon expresso, je commence à parler du taux d'intérêt de la dette souveraine. Les gens soudain sont très occupés. Oui, il y a de ça. Ils doivent s'en aller, je ne comprends pas. Oui, c'est quelque chose qui pour vous intéresser au sujet donc, et parce que l'économie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes, changement de tactique et donc je m'incruste dans l'émission. Oui, mais le thème du jour peut-être Le droit de vote double des actionnaires. Alors, j'en vois déjà qui font la grimace. Les actionnaires, on s'en fiche, tout ça. Eh ben non. Si vous préférez, c'est l'histoire de comment l'État va garder la main sur le constructeur auto Renault et peser peut-être pour garder des emplois en France. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, essayez de visualiser la nouvelle publicité Renault, celle qui est partout dans les journaux en ce moment. Au volant d'une Renault Espace, il y a Kevin Spacey, l'acteur américain d'American Beauty, House of Cards, entre autres. Imaginons que Kevin Spacey, dans cette publicité, représente l'État. Kevin Spacey est dans Renault, l'État est dans sa Renault, l'État, lui, est dans Renault. Un des premiers actionnaires du constructeur à hauteur de 15%. Et dans la série House of Cards, le but de Kevin Spacey, c'est de devenir de plus en plus puissant jusqu'à prendre le poste de président des États-Unis. Dans le cas de l'État, c'est presque ça. Il ne veut pas prendre le contrôle de Renault, mais peser plus sur la stratégie de l'entreprise. Les billets, c'est la baraque m'as-tu vu à Sarasota qui commence à tomber en ruine au bout de 10 ans. Le pouvoir, c'est la vieille construction en pierre de taille faite pour durer des siècles. Je n'ai aucun respect pour ceux qui ne font pas la différence. Et pour garder le pouvoir, donc c'était du House of Cards, l'État est prêt comme le héros de House of Cards à dépenser ses billets. Il vient donc de racheter des actions pour devenir actionnaire de Renault à hauteur de 20%. Juste quelques semaines, le temps de faire passer une nouvelle mesure, c'est le droit de vote double dont je vous parlais. En gros, un actionnaire qui est là depuis longtemps pourra voter sur la stratégie de l'entreprise et son vote comptera double. Il sera donc plus influent, l'État passerait en gros de 4L à 4-4. Carlos Ghosn, le patron de Renault, n'apprécie pas du tout la surprise et il craint même de perdre le volant de son entreprise. Ce n'est plus House of Cards, c'est Fast and Furious, une quasi-déclaration de guerre. Les chatons deviennent forcément des chats. Ils paraissent inoffensifs au début, tout petiots, tout sages, lapant un peu de lait dans une coupelle. Mais une fois que leurs griffes sont assez longues, ils la serrent jusqu'au sang. Parfois même ceux qui les nourrissent. Pour ceux d'entre nous visant le sommet de la chaîne alimentaire, aucune pitié n'est permise. Un seul principe prévaut. On chasse ou on est chassé. Eh oui, Carlos Ghosn aimait le ministre de l'économie quand il était chaton, qu'il s'appelait Arnaud Montebourg, qu'il l'encourageait à serrer la ceinture à ses salariés en échange de nouvelles voitures produites en France. Il aime apparemment beaucoup moins les griffes d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui veut être un actionnaire comme un autre. Mais qui sait, qui pourrait bien vouloir contrarier ses plans, les plans du patron, s'il est question de déplacer vers la Chine certains de ses 27 000 salariés français. Je n'ai pas de châteaux en Espagne. Mes pays sont de cocagne, je travaille chez... Oh non ! Oh non ! C'était cinglé, hein ? C'est Guy Marchand. C'est Guy Marchand. C'est Guy Marchand. Belle performance. Eh bien, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et évidemment, pour le cran au-dessus, si vous estimez que vous avez bien compris l'écho. Ce n'est pas le cran au-dessus. Non, bah, ça différent. On n'arrête pas l'écho. C'est tous les samedis à 9h10. Samedi, vous recevez Stéphane Richard, le patron d'Orange. Secouez-le bien, parce que sinon, la pulpe. Ouais. Elle reste. C'est une bonne façon de vous adresser aux femmes, vous. Hein. Pardon. En tout bien, tout honneur, évidemment. Bah, on avait tous compris. Je suis une journaliste intègre. Oh la vache. oui, première rubrique. Moi, je suis pour, vous voyez, que les femmes prennent les choses en main. Ouais. Je vous en prie, Alex. Voyez, commencez par regarder Top Gear ce soir. Voilà, ça va parler bagnole. Vous avez tout pigé sur RMC Découverte, 20h45, avec notre invité à la présentation, Philippe Lelouch, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, comme invité. Et vous jouez l'Appel de Londres jusque, je vais vous le dire, parce que peut-être vous ne le savez pas, le 27 juin. C'est ça. À Paris. Absolument. Et aussi Plic-Ploc en tournée. Donc, allez voir les dates. Oui, sur oui. PhilippeLelouch.com. Oui, sur le film. Vous tapez Philippe Lelouch. Philippe Lelouch. Eh bien, voilà, vous pensez pas si c'est bien déjà dire. Fini, là. Mais non, troisième sujet, parce que les vacances, c'est, peut prendre un hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet Explorer, quasi monopole. On va sur Google, quasi monopole. On tape hôtel et on tombe sur Booking.com, quasi monopole. Bon, on s'en fout au final. Ce qui compte, c'est la qualité de la chambre. Là, c'est la chambre 14. Je vous accompagne. Bah oui, mais moi, je suis très embêté parce que j'avais demandé expressément une chambre double. Parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui viendrait de Paris, enfin si ça se trouve. Ah, je suis désolée monsieur, mais on est un peu surchargé en ce moment. Mais enfin, si vous me dites exactement à quelle date votre dame arrive, on pourra s'arranger. Ah bah oui, mais ça, j'en sais rien, parce que ça peut être ce soir, ça peut être demain, ou... Il n'y a pas qu'elle. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites ce soir? Quel génie! C'était Michel Blanc, c'était les bronzés fonds du ski, la troupe du Splendide, évidemment. Alors, est-ce que vous connaissez Booking.com, Philippe Lelouch? Bah ouais, je connais vachement bien Booking.com. Alors? Non, mais je suis un peu d'accord avec les autres. Oh, c'est tellement sympa d'aller chercher son hôtel tout seul, etc. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là. Donc, pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que Booking.com, eh bien, c'est le gros site quasi monopolistique lequel vous tombez quand vous tapez hôtel Marseille, hôtel Pise, hôtel, et on vous propose des hôtels. Alors, ils avaient évidemment demandé en échange des hôtels pour être sur le site des exclusivités, type l'hôtel ne peut pas vendre une chambre moins chère si on l'appelle directement que celle qui est donnée sur Booking. Alex, vous êtes trop fort en économie. Mais oui, il y a de l'économie. Hein, Marion, si je dis une connerie, vous m'arrêtez. Hein. Également une clause de disponibilité. Il faut qu'il y ait toujours des chambres disponibles pour Booking. Et ça, le syndicat des hôteliers a réussi à le faire plier. Alors, ce qui est écrit dans le Parisien, c'est Booking renonce pour au moins 5 ans à la majorité des contraintes. Donc voilà, pendant 5 ans, on est un peu plus tranquille. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même, Marion, vous pouvez peut-être même répondre à ça, le lien « je t'aime moi non plus » entre les hôtels et Booking? Moi, j'ai surtout l'impression que c'est lié à l'économie Internet en général, où on fait disparaître un certain nombre de règles qui prévalaient avant. C'est la même chose pour les taxis et Uber. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui aujourd'hui n'existent pas sur Internet. Donc on est en train un peu de réguler. C'est plutôt l'impression que j'ai. Vous venez de perdre 200 000 auditeurs. Là. Vous êtes trop sérieux là. Je suis désolé. Coup, tous. C'est vous. Non, la conversation. Non, décidément, je passe pour un gros goujat. Non, mais l'économie, c'est la Mais l'économie dans une émission de déconne, les gars, vous prenez des risques. C'est ça le truc, c'est tout de suite entre les deux, André Manoukian. Et sérieux, mais vous, par exemple, tout ce qui est Uber, Booking, tout ça, ça vous amuse à moitié? Vous êtes là-dedans? Non, mais non, je. Ou le temps que vous vous en rendiez compte, en fait, tout aura été régulé, peut-être. Oui, c'est ça. Moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai un vrai retard. Je m'en rends bien compte sur ces trucs-là. C'est vrai que on est beaucoup comme vous. Booking.com, ces trucs, c'est chiant, quoi. On a envie d'aller chercher son hôtel, on a envie d'aller regarder, on a envie de. Puis c'est chiant. Voilà, je trouve ça chiant en fait. Oui, mais alors, c'est monopole Internet, là, c'est relou. Oui, mais vous avez le temps peut-être, j'imagine, tellement vous n'êtes pas occupé entre les émissions de télé, les d'appeler les petits hôtels Toscan. Oui, Toscan tout de suite, le truc. Très luxe, avec des suites. Sinon, on n'y va pas. Non, pas du tout. C'est. J'aime bien aller. Le guide du routard, par exemple, me paraît être un truc vachement plus agréable d'aller chercher là-dedans, d'aller piocher là-dedans. Tout à fait, ça fait un petit peu Madeleine de Proust et vous avez bien raison. Ouais. Eh bien, comme le sujet est un peu rébarbatif, on l'envoie à la porte et il passe. Était sympa, il était sympa. Il faut faire un booking pour les 5 à 7, c'est peut-être ça Alors ça existe, mais ça y est, ça réveille André. J'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, mais à vérifier comme info, qu'il y avait effectivement de plus en plus d'hôtels qui ouvraient leur grille tarifaire pour les 5 à 7 en disant si vous passez pas la nuit, on va vous faire un vrai tarif. Ça a un nom, ça s'appelle Dayus. Voilà, .com. Vous, c'est quoi, Dédé Lamanou 32, votre pseudo. Il y a un lien sur le site d'André Manoukian. On y va, news au fil. Ihre Rolle. Qu'est-ce qu'il dit? Is es nun. Groupir. Dem Europäischen. Ja, ja. News au kilo. Traum. Ah bah tu vois, je suis déjà un mot. C'est moi, vous osez vous foutez. Et on commence avec une information lue dans l'Express. Une polémique en Australie à cause du Premier ministre qui a bu, figurez-vous, une pinte cul sec en 6 secondes. C'est une belle descente comparée à François Hollande qui lui boit la tasse depuis 3 ans maintenant. C'est pas faux. On poursuit avec une information lue sur le site Atlantico. Oui, des sex shops halal vont ouvrir à la Mecque. Et oui, alors ça c'est paradoxal. C'est vrai. Alors là, on est dans une émission. Des sex shops halal, ça veut dire quoi? On va le savoir. Du sexe dans des lieux de culte, c'est bizarre ça. Non, non, mais c'est pas ça, mais ils vont attirer beaucoup de gros porcs, alors qu'à la base, ils n'aiment pas ça quand même. Oui, ça se tient. On termine par une information qui vient du Costa Rica. Costa Rica, oui, oui, on a découvert une nouvelle espèce de grenouille. Elles sont transparentes, alors du coup, on peut voir les poumons, le foie, les intestins. Quoi. Notez que cette espèce existe en France aussi, mais plutôt sur la forme de mannequin lors des défilés de mode. C'est vrai aussi. Voilà, j'en profite pour remercier notre direction, Philippe Lelouch, qui aujourd'hui nous laisse dire des choses que vous ne pouviez peut-être pas dire à l'époque. Ah, ça, je vous le confirme. Donc, mais je vous remercie aussi parce que c'est sans doute grâce à des gens comme vous qu'on dit des choses qui ne pouvaient pas être dites. J'ai dit pareil à Didier Porte quand il est venu. Merci d'avoir été viré, les gars. Franchement, ouais, parce que maintenant. T'es en train de nous mettre un coup de vieux dans la tête, mais c'est pas grave. C'est on en parle de la source qui con. C'est pas. Mais alors, je sais. Et la ressource, c'est ce soir. Non, merci, merci. Ben, merci d'être venu. Dès que vous avez un sketch sous la main que vous n'aviez pas pu faire à l'époque, vous nous l'envoyez ou vous venez le faire ici. Avec grand plaisir. Pas ce soir, parce que vous êtes sur RMC Découverte à 20h45 pour la dernière de la saison 1 de Top Gear. Ouais. Vous êtes aussi au théâtre L'Appel de Londres au Gaîté Montparnasse jusqu'au 27 juin. Ça cartonne. Chaque fois que vous écrivez une pièce, ça cartonne. Après l'antenne, vous allez nous expliquer comment vous faites. Merci Philippe Lelouch. Merci André Manoukian. Vous êtes sur le départ, vous? Ah oui, je suis sur le départ. Ouais, avec François, on peut pas tout raconter. Avec François Hollande, il va se balader un peu. Merci Marion Lourd, c'était une formidable première. Merci Bravo. Guillaume Meurice. Et je vous dis à demain avec Léa Drucker. Vous savez, Jacques Martin, moi je préfère encore Chirac que Balladur. Vous êtes sur France Inter et au live est toujours en best-of ce soir les invités Jeff Mills, c'est autre chose, et Emmanuel Perrotin. Il est 18h sur France Inter.